repasses la faute. Mais notre histoire est un trésor, enferme-moi la vérité. Symbole d'espoir laissé dans les cieux, deux âmes sœurs, les yeux dans les yeux. Deux miroirs en face l'un de l'autre, reflétant l'éternité. Éclairé par le soleil couchant et la lumière de la lune à l'aube. Mes deux pieds sur deux plaques tectoniques qui s'éloignent l'une de l'autre. Quand tu as vu le jour, il pleuvait, ce monde tourna à l'envers. Quand tu es parti, le ciel était rose et ta peau était bleutée. Le ciel aussi pleure après la dépression, je trouve l'idée précieuse. Tu as de nous sous un nuage noir, les seules vraies réponses sont des questions. Comme la femme de Salomon, tu as adoré le soleil avant de rejoindre Dieu, avant de laisser mon âme seule au monde. Ah, elle te fait renaître un jour, le lendemain ta chair, suspendue à ses nerfs, j'ai demain ta chair. La vérité veut son pesanteur, un exemple sont fabriqués, ils en a pesanteur, tout me semble sans gravité. Cette nuit j'ai pas dormi, on m'a appris un blessé. Un ange nous a laissé. Je repense à toutes les fois où j'ai dit je suis pressé. Au lieu de l'avoir quand je zonais sur le PC. 7h du mat, la lumière commence à m'agresser. Je tourne dans Paris Sud comme la mafia dressée. J'ai dit à cette fille de ne pas m'adresser. La parole elle est vexée, mais mon cœur est blessé. Je me suis toujours dressé contre ceux qui veulent me dresser. Même s'il pleut ici, le ton des gens est très sec. Noyé dans les excès, dans le mal on excelle. Un mec cède à l'abandon, il se tue dans les PC. Une famille de réfugiés crie étendue par terre. Elle finit rapatriée dans des charters. Je m'en tape des chasses mal maquillées ou de briller dans les chars, frère. Sors le mag maquillé dans mes artères. 7h du matin, mes démons complotent. Vu que ce monde nous monte l'un contre l'autre. Pour aider l'oubli, y'a des moyens de pression. Un journal tenu par des lobbies, ça fait bonne impression. Pendant que les dirigeants resserrent les liens avec ces gens, des mots meurent dans les territoires annexés. Pendant que les dirigeants resserrent les liens avec ces gens, des mots meurent dans les territoires annexés. Got me thinking about the changes that I didn't make. They just wanna run your life, fuck what they say. All night. On dit qu'on peut changer, ça veut pas dire qu'on essaie. All night. C'est pour ceux qui étaient là quand personne me connaissait. All night. Another day, another dollar, that's what they say. I just wanna get paid. Always seems that the world is out to get me. But maybe that's me. I gotta get a job just to find another job. This life don't fuck with me. All on TV is the things that I should never buy. Lord knows I tried. Wake up in the morning and I ask myself, with everybody hurting, should I love thy wealth? Love these hoes and buy new clothes. Maybe ain't enough to do these shows and get at hope wearing all this gold. Smoke this dope while I slay these souls. The world's so cold, I'm on a roll. Keep her on a roll while she digging like a troll. Gotta take it where they never took it. Catch a flight, but I never book it. Now I'm living like I never wasn't. Money matters, but it really doesn't. I'ma make it to the day I die. Don't believe in death from life, I. We wanna change it, but we never do it. Do what you want if it feels alright. Got me thinking about the changes that I didn't make. They just wanna run your life, fuck what they say. On dit qu'on veut changer, ça veut pas dire qu'on essaie. C'est pour ceux qui étaient là quand personne me connaissait. Thinking about the changes that I didn't make. All night. They just wanna run your life, fuck what they say. All night. On dit qu'on veut changer, ça veut pas dire qu'on essaie. All night. C'est pour ceux qui étaient là quand personne me connaissait. All night.